السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، donc nous allons reprendre les cours sur la radio du site Sunna Publication. Et avant de reprendre nos cours normaux dans la aqida des gens de la sunna et de la jama'a de Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il y a certaines choses qui doivent être éclaircies concernant certaines bases et certains fondements du minhaj salafi, et concernant la position des gens de la sunna vis-à-vis des gens de la bid'a, vis-à-vis des gens de l'innovation, et également concernant certaines ambiguïtés qui sont répandues de nos jours sur le net et ailleurs, et également nous allons éclaircir et répondre bi'idhnillahi ta'ala, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'audio de Sofiane Abu Ayoub dans lequel il s'est défendu suite à ma mise en garde contre lui. Donc toutes ces choses vont être éclaircies bi'iznillahi ta'ala, et je laisse la réponse et l'éclaircissement par rapport à l'histoire avec Sofiane Abu Ayoub en dernier. Donc ceci est une série d'interventions, comme je l'ai dit, pour éclaircir certaines bases et certains fondements du minhaj salafi, réfuter certaines ambiguïtés propagées, pour enfin finir avec la réponse au frère Sofiane Abu Ayoub, hadahullah, qu'Allah le guide. Donc, aujourd'hui, nous commençons tout d'abord par la traduction d'un écrit de Cheikh Obeid al-Jabiri, hafidhahullahu ta'ala, que le Cheikh a intitulé « Imdad al-Salafi bi usul wa qawa'id fil manhaj al-Salafi ». C'est-à-dire, je résume le titre de cet écrit du Shir, ce sont des fondements et des règles de base dans le minhaj salafi. Donc sans plus tarder, nous commençons en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité et la véracité dans nos actes et paroles. Donc Cheikh Obeid Al-Jabiri Hafidhahullah Ta'ala commence en disant: Inna alhamdalillah, certes la louange est à Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, nous le louons et lui demandons aide et pardon. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Et celui qu'Allah égare ne trouvera point de guide. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Et j'atteste que nul ne mérite d'être adoré en vérité à part Allah seul et sans associé. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah d'une crainte véridique et ne mourrez qu'en étant musulmans. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule âme, puis a créé à partir de celle-ci son épouse, et a fait répandre à partir d'eux beaucoup d'hommes et de femmes, et craignez Allah, celui au nom duquel vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de parenté. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ô vous qui croyez, craignez Allah et dites une parole de droiture, afin qu'il améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés, et quiconque obéit à Allah et à son messager obtiendra certes une énorme réussite. Amma ba'd. Fa inna khayr al-kalam kalamullah. Certes, la meilleure des paroles est la parole d'Allah. Wa khayr al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure des voies est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa shar al-umuri muhdathatuha. Et les pires des choses sont les nouveautés religieuses, les nouveautés en religion, afwan. Et les pires des choses sont les nouveautés en religion. Wa kullu muhdathatin bid'ah. Et toute nouveauté en religion est une innovation. Wa kulla bid'atin dalala. Et toute innovation est un égarement. Wa kulla dalalatin finnar. Et tout égarement mène à l'enfer. Thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal abna. اقتضت حكمة الله تعالى أنه في كل زمان وفي كل مكان أن يهيئ الله سبحانه وتعالى من ينصر دينه ويعلي كلمته ويدعو إليه على بصيرة. Donc le Cheikh il dit, mes chers enfants, la sagesse d'Allah a impliqué qu'à chaque époque et dans tout endroit, Allah prédispose des gens pour secourir sa religion et élever sa parole et appeler à lui avec clairvoyance. كما أنه في مقابل هذا ينبري من ينبري من أهل الأهواء الذين يناصبون السلفية وأهلها العداء. De même que, à l'opposé de cela, c'est-à-dire à l'opposé des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédisposés pour défendre et secourir sa religion, élever sa parole et appeler à lui avec clairvoyance, à l'opposé de cela, il y a des gens de l'innovation et de la passion qui s'opposent à cela. Et qui montre de l'animosité envers la salafia et les salafis. Wallahu hakimun, alimun, latifun, khabir. Et Allah est sage et omniscient. Et il décèle, il connaît les choses les plus cachées. Et il est parfaitement connaisseur. لم يضيع دينه. Allah subhanahu wa ta'ala ne délaissera pas sa religion. ولكن يضيع من يبتغي غير ما جاءت به النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام عن الله إلى أهل الأرض. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne délaissera pas sa religion et il ne la laissera pas se perdre, mais se perdra celui qui recherche autre que ceux avec quoi sont venus les prophètes et les messagers de la part d'Allah pour les gens de la terre. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل أحدا سفيرا بينه وبين خلقه يبلغهم عنه شرعه سوى من اصطفاه من النبيين والمرسلين. Donc Allah n'a mis personne comme ambassadeur entre lui et ses créatures pour leur transmettre sa législation autre que ceux qu'il a choisis parmi les prophètes et les messagers. ولئن كان في بعض الأزمنة والأمكنة تعصف بالناس عاصفة الهوى ويستوحش كثير من أهل السنة لكثرة مخالفيهم فإنه يسليهم ثلاثة أمور. Et s'il arrive que dans certaines époques et dans certains endroits que les gens soit secoué par des tempêtes de la passion, de telle sorte que les gens de la Sunna, de telle sorte que beaucoup de gens de la Sunna se sentent étrangers en raison du grand nombre de leurs contrevenants, Si cela arrive dans certains endroits et dans certaines époques, eh bien, il y a trois choses qui les aident à patienter là-dessus. Yani, ce que le cheikh veut dire ici, c'est qu'il y a trois choses, lorsque les gens de la sunna se sentent étrangers au milieu du nombre important des gens qui les combattent, eh bien, il y a trois choses qui vont aider les gens de la sunna à patienter sur cela, sur ces épreuves. Al-amr al-awwal, la première des choses. Fi qawlihi jalla jalaluh. Wa man yuti'i Allah wa rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Donc la première des choses, elle est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, et quiconque obéit à Allah et à son messager, et quiconque obéit à Allah et au messager, alors ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quelle bonne compagnie que cela. Ensuite le cheikh il dit, فَمَنِ اِفْتَوْحَشَ لِكَثْرَةِ الْمُخَالِفِينَ وَوَجَدَ الْغُرْبَةَ لِقِلَّةِ السَّالِكِينَ مَسْلَكَهُ إِذَا تَذَكَّرَ أَنَّ رُفَاقَهُ أَوْ أَنَّ رِفَاقَهُ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ وَالْهُدَى أُولَئِكُمُ الْأَصْنَافُ الْأَرْبَعَةُ زَالَتْ عَنْهُ الْوَحْشَةُ وأصبح قوي العظيمة قوي العظيمة مشدودا بهم أزره لا يخشى في الله لومة لائم ولا تزعزع ثقته بنصر الله لجنده كثرة الهالكين ولا قلة السالكين. Donc le cheikh il explique, il dit, donc quiconque se sent mal à cause du nombre important des contrevenants et qui se sent étranger du fait qu'il y a peu de gens qui empruntent le même chemin que lui, le chemin de la vérité, quiconque donc se sent mal et se sent étranger lorsqu'il se rappelle que sa compagnie dans le chemin de la vérité et de la guider sont ces quatre types de personnes qui sont cités dans le verset, c'est-à-dire les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Lorsqu'il se rappelle que sa compagnie sur le chemin de la vérité et de la guider sont ces quatre types de personnes, alors le mal qu'il ressent en lui-même part. Il ne ressent plus ce mal. Et il devient fort dans sa motivation. Et il cède de ces gens-là. Et il ne craint. Il ne craint pour Allah le blâme de personne. C'est-à-dire que peu importe les personnes qui le blâment, il n'en a que faire. Il ne craint qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'il a beaucoup d'ennemis, et qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans le chemin de la perdition, cela ne trouble en rien sa confiance, la confiance qu'il a dans le secours d'Allah pour ses soldats. Le fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers leur perdition et qui sont contre lui, et qu'il y a peu de gens qui empruntent le même chemin que lui, cela ne trouble en rien sa confiance ou la confiance qu'il a dans le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses soldats. لأن أولئكم الصفوة هم خير عباد الله من البشر. Car cette élite, yani, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, Cette élite, ce sont les meilleurs gens, ce sont les meilleures créatures d'Allah parmi les hommes. فَمَنْ كَانَ رَفِيقُهُ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ فَلَنْ يَسْتَوْحِشْ بَلْ يَزْدَادُ ثَبَاتًا وَصَبْرًا وَيَقِينًا وَقُوَّةً. Et donc celui dont la compagnie sont les meilleures créatures d'Allah, il ne peut pas se sentir mal. Mais au contraire, il va être encore plus ferme et encore plus endurant. Il aura encore plus la certitude. Il sera encore plus fort. Al-amr al-thani, la deuxième chose qui aide les gens de la sunna à patienter devant la multitude de leurs ennemis. La deuxième chose, ma jaa fi hadith al-sab'in al-alf alladhina yadkhuluna al-jannata bila hisab. Ce qui a été rapporté dans le hadith des 70 000 qui entreront au paradis sans jugement. Wa huwa mukharrajun 'an ibn 'Abbas radiyallahu anhuma 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi sahihayn. Et il est rapporté selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il se trouve dans les deux recueils authentiques de Bukhari et de Muslim. Wa qad jaa fihi فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. Dans ce hadith, le hadith des 70 000 qui entreront au paradis sans jugement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: j'ai vu un prophète qui n'avait parmi ses suiveurs que quelques personnes, et j'ai vu le prophète qui n'avait avec lui qu'un ou deux hommes, et j'ai vu un prophète qui n'avait avec lui personne. Yani personne ne l'a suivi. Le cheikh il dit: لنتأمل في هذا الحديث قليلا, que nous méditions et que nous réfléchissions sur ce hadith un instant. فهذا النبي الذي جاء وليس معه أحد إلى من بعث. Ce prophète qui vient et il n'a personne avec lui, à qui a-t-il été envoyé? Il a umma am il a ghayri umma? A-t-il été envoyé à une communauté ou il n'a pas été envoyé à une communauté? Ben, il a umma. Il a bien été envoyé à une communauté. Bu'itha bimada? Avec quoi a-t-il été envoyé? Alam yakun mab'uthan dhalikum an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam alladhi lam yujibhu ahad aw an-nabiyyu ajabahu ar-rajulan aw ar-rahd وهم من الثلاثة إلى العشرة أو إلى التسعة ألم يكونوا جاءوا بالهدى ودين الحق. Donc avec quoi a-t-il été envoyé ce prophète? Ce prophète auquel personne n'a répondu, ou bien le prophète à qui a répondu, à qui ont répondu que deux hommes, ou le prophète à qui n'a répondu que quelques hommes. Et il a dit le terme dans le hadith, c'est Ar-Rahd. Et le chiffre, il explique que Ar-Rahd, c'est de 3 à 10 personnes, ou 9 personnes. De 3 à 9, tout ça on appelle ça Ar-Rahd. De 3 à 9 ou de 3 à 10, on appelle ça Ar-Rahd en arabe. Donc ces prophètes-là, celui qui vient et que personne n'a répondu à son appel, ou celui que deux personnes ont répondu à son appel, ou celui que quelques personnes, de 3 à 10 ou à 9, ont répondu à son appel, n'ont-ils pas été envoyés avec la guidée et la religion de vérité? Alam yakunu a'zama an-nas makanan 'inda Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ce n'étaient pas les gens qui avaient la plus haute place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces trois prophètes. فَمَا أَذُنُّ أَحَدًا مِنْكُمْ يُخَالِفُنِي فِي الْجَوَابِ بِبَلَى. Le cheikh il dit, je pense qu'aucun d'entre vous ne me contredira en répondant par l'affirmative. C'est-à-dire que oui, ils ont été envoyés avec la guidée et la religion de vérité. Et oui, c'était les gens qui avaient la place la plus haute auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ce sont des prophètes. Ensuite, le cheikh il dit, فَكَيْفَ بِمَنْ دُونَهُمْ مِمَنْ يَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Donc que dire de ceux qui sont en dessous d'eux, parmi les gens qui appellent à Allah avec clairvoyance. Là, j'explique un petit peu ce que le cheikh il a voulu dire. Yani, le cheikh il a voulu dire par là que si des prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et que ce sont des hommes qu'Allah aime et qui ont une haute place auprès de lui et qu'ils sont venus avec la guidée et la religion de vérité, si ces prophètes-là, il n'y a que quelques hommes qui leur ont répondu parmi leur peuple, ou peut-être même personne ne leur a répondu comme un des prophètes qui est cité dans ce hadith. Donc si eux, malgré la haute place qu'ils ont auprès d'Allah et malgré qu'ils viennent avec la guidée et la religion de vérité, si eux n'ont pas eu beaucoup de suiveurs, alors que dire de ceux qui viennent après eux, qui n'ont pas une haute place auprès d'Allah? C'est sûr que yani, on peut s'attendre au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui les suivent, mais cela ne doit en rien stopper celui qui appelle à Allah avec science et sur la bonne voie. وثانيا هذا الحديث فيه دليل على أن العبرة ليست بالكثرة بل العبرة في إصابة الحق. Deuxièmement, yani deuxième point sur lequel le cheikh il s'arrête par rapport à ce hadith, il dit dans ce hadith il y a une preuve que ce qui compte et ce qui doit être pris en considération, ce n'est pas le nombre. Mais ce qui doit être pris en considération et ce qui compte, c'est de toucher la vérité, d'être sur la vérité, d'appeler à la vérité. وقد تفطن لها الى هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Et le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab رحمه الله, il a bien décelé cette chose-là. إذ قال في مسائله على الباب والحديث ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. يعني pourquoi Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab il a bien décelé cela? Parce que lorsqu'il a cité lorsqu'il a parlé lorsqu'il a cité les points à tirer de ce chapitre. Parce que ce hadith, le cheikh il l'a mis dans son livre Kitab al-Tawhid, le livre du Tawhid. Donc quand, à la fin de ce chapitre, il a parlé sur les points à tirer de ce chapitre et du hadith, il a dit, le fruit de cette science, yani la science religieuse, et qui est de ne pas se faire tromper par le nombre, et de ne pas être dissuadé par le peu de suiveurs. Yani, tu ne dois pas te faire tromper et penser que tu es sur la vérité puisque beaucoup de gens te suivent. De la même façon que tu ne dois pas penser que tu es sur le faux parce qu'il y a peu de gens qui te suivent. Et tu ne dois pas dénigrer le peu de gens qui te suivent. Et tu ne dois pas les délaisser en te disant, il n'y a pas beaucoup de gens qui me suivent, donc ça ne sert à rien que je fasse des cours. Il n'y a pas beaucoup de gens qui assistent à mon cours, donc ça ne sert à rien que j'enseigne, et tu délaisses ce peu de groupe, ce petit groupe qui a assisté à tes cours. طيب. Ensuite, Cheikh Obeid, il dit, وهذا المعنى يزيده وضوحا حديث افتراق الأمم الذي هو صحيح بجموع طرقه. Et cela est éclairci par le hadith de la division des communautés. Ce hadith qui est authentique avec ses différentes versions. فقد جاء في بعض طرقه وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Donc dans certaines versions, il a été rapporté que cette communauté se divisera en 73 groupes. Tous iront en enfer sauf un. قالوا من هي يا رسول الله؟ Ils ont dit quel est ce groupe ô messager d'Allah? قال الجماعة. Il a dit c'est الجماعة, le groupe. وقد فسرها ابن مسعود رضي الله عنه فقال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك حينئذ الجماعة. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a expliqué ce que signifie al-jama'a dans ce hadith, le groupe dans ce hadith. Ibn Mas'ud, il l'a expliqué et il a dit le groupe c'est d'être en accord avec la vérité, le groupe c'est d'être en accord avec la vérité même si tu es seul. À ce moment-là, même si tu es seul, tu seras toi, tu seras à toi seul, tu seras le groupe. Et là, je rajoute une petite explication. Parce que ce qui est voulu par le groupe ici, c'est le groupe mère, tel qu'il était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Et c'est pour cela que dans certaines versions de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé sur le groupe sauvé, quel est-il? Il a dit, ceux qui sont sur le même chemin que moi et mes compagnons à ce jour. Donc ce qui est voulu par le groupe, c'est ce qui a été expliqué dans l'autre version, c'est-à-dire le groupe qui suit le groupe mère du prophète et des compagnons, radiallahu anhum. Ensuite, le cheikh, il dit, وفي رواية أخرى ضعيف إسنادها لكنها صحيحة المعنى والشواهد عليها كثيرة وهي قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الواحدة قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Ensuite, donc le cheikh il dit, dans une autre version dont la chaîne de transmission est faible, mais le sens est authentique et il y a beaucoup de preuves qui viennent appuyer cela. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette version, a été interrogé sur le groupe sauvé, il a dit ce sont ceux qui sont sur le même chemin que moi et mes compagnons à ce jour. Ici le shir, Cheikh Obeid, hafidahullah, selon donc son ijtihad, son effort d'interprétation et de recherche, ou voilà son effort de recherche, Afwan. Donc Cheikh Obeid, selon son effort de recherche, il est arrivé à la conclusion que pour lui le hadith, cette version-là plutôt, Afwan, cette version dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceux qui sont sur le même chemin que moi et mes compagnons à ce jour, pour Cheikh Obeid, cette version-là est faible. Elle n'est pas authentique. Ça c'est l'effort de recherche de Cheikh Obeid, hafidhahullahu ta'ala. Mais beaucoup d'autres savants, et à leur tête, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, l'imam des muhadithin, l'imam des savants du hadith à notre époque. Donc, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et bien d'autres, parmi les savants du hadith, ont authentifié cette version. Et vu que je ne suis pas un spécialiste du hadith, il me suffit pour cela de faire le taqlid de Cheikh Al-Albani rahimahullah dans l'authentification de ce hadith et de cette version. Car le taqlid, c'est-à-dire le fait d'accepter la parole d'un savant, est permis dans certaines conditions. À la base, on ne fait pas de taqlid, mais dans certaines conditions, il est permis de faire le taqlid. Notamment, si tu n'as pas les outils qui te permettent de juger la question, il te suffit de faire le taqlid du savant que tu estimes le plus connaisseur du sujet. Donc, pour Cheikh Obeid, ce hadith est da'if, mais beaucoup d'autres savants, et notamment l'imam le plus grand muhaddith de notre époque, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, l'a authentifié. Ensuite, Cheikh Obeid, il dit: فالشواهد إن لم تكن متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم على معنى هذه الرواية فإنها مستفيضة. Donc il dit, les choses qui viennent appuyer le sens de, de cette version, même s'ils n'ont pas atteint le degré du mutawatir, qui est un degré dans le hadith, donc même s'ils n'ont pas atteint ce degré-là, mais quoi qu'il arrive, ils ont quand même, ils sont mustafides. Ça c'est des termes techniques et on ne va pas rentrer dans les détails car nous voulons ici résumer la chose. Ensuite, Cheikh il dit: فَبَانَ بِهَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِغَيْرِ إِصَابَةِ الْحَقِّ ولا عبرة بغير السداد في الأقوال والأعمال وهذا السداد هو تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. Donc après cet exposé, il apparaît clairement que ce qui compte, ou plutôt il apparaît clairement que rien ne compte mis à part le fait d'être sur la vérité. Et que rien ne compte, mis à part la droiture dans les paroles et les actes. Et cette droiture, c'est quoi? C'est de se limiter au strict suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-amr al-thalith, la troisième chose qui va aider les gens de la sunna à supporter la situation dans laquelle ils sont à cause du nombre important de leurs contrevenants et de leurs ennemis, la troisième des choses qui va donc les aider à supporter et à endurer, الأثر الذي يصحه ورفعه بعض طلاب العلم وذلكم الأثر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. Donc cette troisième chose, c'est un athar. Et certains, Cheikh il dit, certains étudiants en sciences ont authentifié cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même certains ulama. Lorsqu'il dit Toulab al-Ilm ici, il veut dire, il ne veut pas dire que ce ne sont pas des ulama. Donc, certains ulama ont authentifié ce athar qui est tel qui suit. Portera cette science dans chaque génération les personnes intègres et honnêtes ils réfuteront les modifications de ceux qui exagèrent et les falsifications des gens du faux et les interprétations des ignorants. Portera cette science à chaque génération des personnes intègres et honnêtes. Ils réfuteront les modifications des gens de l'exagération et ils réfuteront les falsifications des gens du faux et ils réfuteront les interprétations des ignorants. فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا وتحصل لدينا أن العبرة كل العبرة والميزان الحق هو في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc à partir de là, si cela est évident et ceci a été établi, il nous apparaît clairement que ce qui compte réellement et la vraie balance sur quoi on doit peser les actes, c'est quoi? C'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأن الله سبحانه وتعالى لم ينصب أحدا من البشر قدوة حسنة لذاته سواه. Car Allah سبحانه وتعالى n'a placé personne parmi les hommes comme exemple, comme bon exemple à suivre en lui-même, mis à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que le cheikh veut dire, c'est que le seul qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prendre comme exemple totalement en lui-même, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mis à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les autres personnes, tous les autres êtres humains, on les suit dans la vérité et on les délaisse dans l'erreur. كما قال جل جلاله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez, comme Allah a dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, vous avez certes dans le messager d'Allah un très bon exemple à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah abondamment. C'est ici que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Et, Inch'Allah ta'ala, comme ceci a été annoncé, nous essaierons d'intervenir, bi'ivnillahi ta'ala, tous les samedis, lundis et mercredis, jusqu'à terminer cette série d'interventions d'éclaircissement sur le minhaj salafi. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين